En signe de félicitations à la réussite coréenne au deuxième lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14 au Nigeria, le Comité national d'études du Kim Il-sung-isme Kim Jong-ilisme, le Cercle d'études du Kim Il-sung-isme Kim Jong-ilisme, le Cercle d'études de la philosophie du Jutsu, le Cercle d'études de la politique de Sun-gun et le Cercle d'études de la confiance en soi ont publié en commun une déclaration et au Pakistan, l'Association d'études de la confiance en soi et le Centre d'études du Jutsu de Karachi, une déclaration conjointe.